Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, le duel Ford contre Ferrari aux 24 heures du Mans en 1966. Nous pensons que cette année, au Mans, tout ira bien. Ford ne voulait y aller qu'à cette condition. On ne peut pas dire que nous allons battre M. Ferrari. Il a beaucoup d'années d'expérience et de victoires derrière lui. Nous n'allons pas au Mans avec l'idée que nous allons gagner. Nous pensons que nous serons durs à battre. Après tout, la seule course que tous les constructeurs veulent gagner, c'est le Mans. Le champion coureur automobile Carroll Shelby, interviewé à la télé française quelques jours avant les 24 heures du Mans en 1966. Après une brillante carrière derrière le volant, Carroll Shelby se convertit au début des années 60 à la mise au point de voitures de course. L'homme derrière la victoire de Ford contre Ferrari aux 24 heures du Mans en 1966, c'est lui. Cette épreuve du Mans en 66 va d'ailleurs passer à l'histoire que le géant américain ait réussi à battre la mythique écurie italienne ce jour-là est en effet un exploit dont les amateurs de course automobile se souviennent aujourd'hui encore. On va enterrer Ferrari aux 24 heures du Mans. Alors le célèbre Carroll Shelby va construire une voiture pour battre Ferrari avec une Ford. Exact. Et tu leur as dit que t'avais besoin de combien de temps? De 200 ou 300 ans, c'est ça? 90 jours. Ford déteste les gars comme nous. Parce que nous sommes différents. Il paraît qu'il est difficile. Ken? Mais non, Ken, c'est un chaton. C'est horrible! S'il y a un problème, l'ordinateur va le trouver. Va me chercher du scotch et une pelote de laine. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rendent votre voiture plus légère. Ça, c'est beaucoup mieux! Extrait de la bande-annonce du récent film de James Mangold, Ford contre Ferrari, Le Mans 66 en version française. Pour nous raconter ce fascinant duel entre Ford et Ferrari dans les années 60, je reçois le chroniqueur automobile Philippe Lagu. Philippe Lagu, bonjour. Bonjour. Quelle place ça occupe, Philippe Lagu, ce 24 heures du Mans 66 et cette rivalité-là entre Ford et Ferrari dans l'histoire du sport automobile? Puis je dirais plus largement, dans l'histoire du sport tout court? Ben dans l'histoire du sport automobile, c'est sans conteste la plus grande rivalité entre deux constructeurs. Il n'y avait jamais eu un affrontement de titans aussi gros que ça avant et après Le Mans 66. Avec un enjeu également énorme. Des enjeux financiers énormes, des enjeux d'image, des égos aussi. Parce qu'on a deux personnages plus grands que nature qui s'affrontent là-dedans. Enzo Ferrari, qu'on considère encore aujourd'hui comme le pape de l'automobile, et Henry Ford II, qui est à ce moment-là le grand patron de Ford et surtout le fils d'Edsel Ford et le petit-fils d'Henry Ford, ouais, le fondateur mythique de la marque Ford. Alors, où en sont ces deux géants, ces deux hommes et leurs entreprises, Ford et Ferrari, au moment où débute cette course à finir entre ces deux géants-là? Bon, au début des années 60, Ferrari est déjà une grande écurie de course automobile, même si Ferrari n'existe comme marque depuis 1947. C'est déjà une grande écurie de course automobile qui se bat sur deux fronts. Alors, la Scuderia Ferrari, l'écurie Ferrari, dispute le championnat du monde des pilotes, qui, lui, a pour théâtre la Formule 1, et le championnat du monde des voitures de sport, ouais, qui, lui, se déroule dans des courses d'endurance, avec des voitures de plusieurs catégories, dont les sports prototypes, qui sont la catégorie reine. Alors, juste pour situer les gens, là, au début des années 60, ben, en fait, en 1963, quand les négociations entre Ford et Ferrari vont commencer, Ferrari est déjà 5 fois champion du monde en Formule 1, et ils ont déjà gagné les 24 heures du Mans 6 fois à ce moment-là. Alors, c'est déjà une grande écurie, mais c'est un petit constructeur de voitures de sport qui porte son nom, des voitures qui sont aussi rapides qu'exclusives. Hein? Tous les grands de ce monde en veulent une, les stars, les têtes couronnées, tout le monde. Et la grande passion d'Enzo Ferrari, par contre, c'est la course. Ouais. Et ses activités de constructeur ont juste un but, c'est de financer son équipe. Ouais. Et en fait, le problème au début des années 60 pour Ferrari, c'est le grand champion que vous avez décrit. Là. Cette écurie-là gagne grand prix sur grand prix. Ouais. Mais le petit constructeur automobile qu'est Ferrari, même si c'est des voitures luxueuses, ça va pas très bien. La compagnie est presque au bord de la faillite, là. Il y a des problèmes financiers chez Ferrari. Il y a aussi une certaine lassitude, je pense, qui commence à s'installer chez Enzo Ferrari parce qu'il y a beaucoup de conflits internes. Il y a eu la fameuse nuit des longs couteaux en 1961 où plusieurs ingénieurs et dirigeants ont quitté Ferrari avec fracas ou ont été démissionnés, ouais, entre guillemets. Il y a toujours deux versions, là. Et Enzo Ferrari aussi qui vit en quasi-réclusion déjà à cette époque-là parce qu'en 1956, il a vécu une tragédie. Il a perdu son fils Dino. Ouais. On ne le sait pas à cette époque-là. Il y a un autre fils aussi, il y a un fils illégitime. Enzo Ferrari, en fait, a deux familles. Et la deuxième famille, elle est complètement cachée. Et ça aussi doit, ouais, prendre beaucoup d'énergie. Bref, il a 65 ans à ce moment-là et il ressent une certaine fatigue. À l'opposé, vous avez Ford, qui est un géant de l'industrie automobile. Ouais. C'est un des trois grands de Détroit à cette époque-là, les deux autres étant GM et Chrysler. American Motors n'a jamais eu cette stature. Et, sauf que l'image de Ford est un peu écorchée au début des années 60. Hein. Il y a eu l'échec retentissant de la marque Edsel, qui est un cas qui est encore étudié aujourd'hui dans les écoles de marketing. Puis la gamme de voitures est un peu vieillissante. Il n'y a, ouais, pas de modèles qui font rêver, là, comme la Corvette chez General Motors et GM, d'ailleurs, qui vend plus de Chevrolet que de Ford. Alors, sous l'impulsion du grand patron, Henry Ford II, on va instaurer le programme Total Performance, programme qui est placé sous la supervision du plus flamboyant des vice-présidents de Ford, Lee Iacocca, qui va devenir célèbre par la suite. Il va se retrouver chez Chrysler plus tard. Il va se retrouver chez Chrysler, mais qui va aussi chez Ford être le père de la Mustang. Oui. Ne l'oublions pas, oui, hein, il a joué un rôle crucial là-dedans. Alors, Ford va s'impliquer d'abord dans des disciplines typiquement américaines, comme les courses d'accélération, ce qu'on appelle le drag racing, les courses de type Indy aussi, dont les 500 000 d'Indianapolis sont vraiment l'épreuve phare, et en stock car dans les courses de la série NASCAR. Alors, le prochain objectif, ce sont les grandes épreuves européennes. Mais, et le marché européen. Et le marché européen, parce que, et c'est, vous faites bien de le souligner, parce que Ford a des antennes un peu partout en Europe. Ford a une division anglaise, Ford a une division allemande, et on l'oublie, mais à cette époque-là, Ford a même une division française. Donc, oui, Ford veut s'imposer, veut devenir une marque mondiale, exactement. Donc, c'est ces deux joueurs-là qui sont l'un en face de l'autre. Ford avec ses grandes ambitions. Ferrari, j'ai envie de dire, en vous écoutant, avec cette grande fatigue. Ouais. Mais c'est un peu ça, l'équation. Et comme M. Ferrari, Enzo Ferrari, est en fin de parcours, comme ça va plus ou moins bien du côté des affaires, de la construction automobile, il aime encore les courses comme un fou, mais... C'est sa raison de vivre. Exact. Mais l'usine, ça va moins bien, puis il est un peu là de cette activité de construction automobile. Les planètes s'enlignent. Ford apprend au fond que Ferrari est, pour ainsi dire, en vente. Et là commencent des négociations qui sont le prélude de ce qui va conduire à cette fameuse guerre à finir entre Ford et Ferrari, qui se terminera, cette guerre-là, aux 24 heures du Mans 66. Pour comprendre un petit peu, justement, comment se déroulent ces négociations? C'est quoi l'état d'esprit à ce moment-là? On est en quoi? 63, à peu près, Philippe? 63, Hague, exactement. Quand ça commence. On écoute un extrait du documentaire coproduit par Radio-Canada en 1967. C'est juste après la victoire de Ford aux 24 heures du Mans. Ferrari, le grand défi. En 1963, les envoyés de Ford proposent à Ferrari un plan de collaboration commerciale et Ferrari semble prêt à troquer son usine contre les moyens que Ford lui offre pour continuer de participer aux courses. Si je crois vraiment à l'utilité technique des courses, mais si je n'y croyais pas, alors ce serait reconnaître que ma vie a été une faillite. C'est donc pour pouvoir continuer qu'il accepte, il y a quelques années, d'ouvrir ses portes aux envoyés de Ford, venus évaluer son usine sous tous ses aspects. Pendant que les pourparlers se déroulent, le bruit se répand à Maranello que Ford achète. Mais Ferrari tranche la question en renvoyant les Américains chez eux. Au moment de signer le document définitif, je m'aperçois que tout en gardant la direction du secteur course, mon action ne sera pas indépendante, mais subordonnée à l'approbation de Détroit. Je m'étonne, ou plutôt j'éclate. « Mais monsieur Ferrari, me répond-on, vous vendez votre entreprise et vous avez en plus la prétention d'en disposer ?» C'est ainsi que la guerre fut déclarée. Ford contre Ferrari, Maranello contre Détroit, c'est-à-dire David et Goliath. Revenons sur ce qu'on vient d'entendre, Philippe Lagu. Ferrari qui accepte au fond de vendre son entreprise à Ford, mais qui se rend compte à la dernière minute que s'il vend son entreprise à Ford, il va perdre le contrôle. Les usines, ils s'en foutent un peu, mais de l'activité course automobile, c'est ça qui fait que tout capote. La légende veut qu'il aurait joué sur deux fronts, parce que l'entente du rachat de Ferrari par Ford prévoit que Ford va contrôler 90 % des activités automobiles de Ferrari, ouais, mais seulement 10 % de la Scuderia. Sauf que ce que Enzo Ferrari aurait voulu, de toute évidence, c'est 100 %. Ouais. Alors lui va se servir de ça en disant « pas question », mais comme par hasard, dans les années qui vont suivre, Fiat va entrer, ouais, dans le capital de Ferrari de façon progressive, mais on va rapidement atteindre 50 % et ensuite 90 %. Donc, il y a cette théorie qui veut qu'au fond, Enzo Ferrari ait joué la carte financière, faire monter les enchères. Exactement. Et la carte nationaliste, chauvine, que Ferrari reste avec Fiat, une firme italienne. Alors, Ford a été utilisé. Et vous vous en doutez bien, il n'est pas très, très content. Les négociations, dit-on, se seraient terminées de façon abrupte aussi. Oui. Enzo Ferrari les aurait pris de haut, se serait levé en pleine négociation en regardant son avocat en disant « Bon, on va aller dîner. Oui. » Et ils sont jamais revenus. Et il aurait dit, encore là, c'est ce que dit la légende, il aurait dit « Dites à Henry Ford II qu'il n'est pas Henry Ford, il est seulement Henry Ford II. » Et voilà. Et Henry Ford II, qu'on surnommait The Deuce. The Deuce n'aimait pas se faire dire non, n'aimait pas se faire insulter. C'est un homme de sa stature quand même. Et surtout, il se rend compte qu'il a été utilisé. Il a perdu temps et argent, ouais, là, en envoyant des cadres éplucher les livres comptables à Maranello pendant des mois. Alors, on revient en mai 1963, on revient à la case départ. Et là, Ford n'a toujours pas de plan, ouais, pour une future voiture. Et en fait, il faut s'en souvenir, l'un des intérêts de Ford, c'était bien sûr le marché européen, en Italie, entre autres, en utilisant les installations de Ferrari, mais c'était cette expertise qu'avait Ferrari en course automobile pour aller chercher du prestige. Donc, Ford se dit très bien, je ne peux pas l'avoir avec Ferrari, je vais me le procurer moi-même, à Détroit. Exactement. Mais là, le temps presse, parce que Ford a promis qu'il battrait Enzo Ferrari au 24 heures du Mans, et il va être là l'année suivante, en 1964, ce qui est complètement fou comme pari. On est, je le rappelle, on part d'une feuille blanche. Ouais. Alors encore une fois, on va trouver une nouvelle façon de court-circuiter le projet. La première fois, pour accélérer les choses, on s'est dit on va acheter Ferrari. Ouais. La deuxième fois, il y a un cadeau du ciel, c'est une petite marque de voiture de course anglaise qui s'appelle Lola, qui a fait une petite voiture à moteur central, la Lola Mark VI GT. Petite voiture de course à moteur central qui utilise un moteur Ford. Mm. Alors, on va partir de cette voiture-là pour la future Ford GT40. Et c'est d'ailleurs dans les locaux de Lola, en Angleterre, qu'on va installer Ford Advanced Vehicle, qui est l'antenne britannique de Ford chargée de concevoir la Ford GT40. La GT40 qui va être baptisée ainsi à cause de sa hauteur, 40 pouces. Ouais. Et qu'est-ce que ça va donner, ces premières compétitions avec la GT40? Alors, la première voiture, contre toute attente, va être complétée en 7 mois. Hein, ce qui a beaucoup aidé, puisqu'on partait de quelque chose qui existait déjà. Le premier prototype est prêt en mars 1964, mais les premiers essais au Mans, au circuit du Mans, vont être catastrophiques là, en avril 1964. Les deux voitures qui sont envoyées en France vont être impliquées dans des gros accidents, des accidents causés, semble-t-il, par un vice aérodynamique. C'est-à-dire, ouais, qu'à haute vitesse, la GT40 est instable, la partie avant devient ultra légère et la voiture semble vouloir, ouais, s'envoler, ce qui n'est pas très rassurant, pas une très bonne idée. On en conviendra. Alors, on va modifier ça, on va mettre des ailerons et des bavettes sur la voiture. Et lors de la course au mois de juin, les trois GT40, ça, c'est quand même encourageant, sont les voitures les plus rapides en piste, oui, mais elles vont abandonner toutes les trois. La mécanique et particulièrement les transmissions, oui, ont beaucoup de difficultés à supporter la puissance et le couple du gros V8 américain de la GT40. Et pour gagner, il faut finir la course. Ça, c'est la première des règles. C'est un vieil adage, la course automobile, ouais. Effectivement. Henry Ford, évidemment, est impatient. Le prend pas. Ce fiasco de 64 au Mans, au 24 heures du Mans, il trouve ça très, très difficile. Il décide d'aller chercher Carroll Shelby, ouais. Qui, lui, qui n'est pas le dernier venu, qui, lui, va aller chercher Ken Miles pour piloter ouais. La Ford GT40, qui sont en quelques... rapidement, qui sont ces deux gars-là, bon, d'abord? Carroll Shelby, vous l'avez dit, c'est pas le dernier venu. Il a été le premier Américain à gagner les 24 heures du Mans en 1959 avec Aston Martin. Et ensuite, il est devenu préparateur de voitures de course. Il importe des petites voitures anglaises et il met des gros V8 Ford là-dedans. Il fait de ça des voitures imbattables sur les pistes de course américaines. Et il va même battre Ferrari dans les catégories inférieures. Ouais. Alors, on connaît déjà le savoir-faire du gars. On sait ce qu'il peut réaliser. On connaît son expertise. Et Ken Miles, lui, est un Britannique, mais qui habite en Californie. Et qui travaille étroitement avec Carroll Shelby. C'est un peu son homme à tout faire, mais surtout son pilote essayeur. Ouais. Alors, Ken Miles va jouer un rôle central dans le développement de la voiture. Donc, ils font équipe. On est quoi, en 65, quand Shelby est vraiment en contrôle de la situation? Oui, effectivement. Et d'ailleurs, l'année 65 va commencer du bon pied parce que la Ford GT40 va gagner la première course de sa jeune carrière. C'est une voiture qui existe depuis un an. Là. Elle va gagner la première course de sa jeune carrière à Daytona, aux 24 heures de Daytona en Floride. Et c'est d'ailleurs Ken Miles qui va être un des deux pilotes de la voiture, Ken Miles et Lloyd Ruby. Et la Floride, d'ailleurs, qui va sourire à Ford parce que lors de l'épreuve suivante à Sebring, les 12 heures de Sebring, Ken Miles, encore une fois, cette fois jumelé à Bruce McLaren, va terminer deuxième. Mais aux 24 heures du Mans, malheureusement, ça va être un copier-coller de l'année précédente. Encore une fois, ce sont des problèmes mécaniques qui vont plomber les Ford GT40 et ça va être des abandons. Et pire que ça, les Ferrari, elles, vont monopoliser les trois premières places. Et c'est une cinquième victoire d'affilée aux 24 heures du Mans pour Ferrari et c'est une nouvelle gifle pour Ford. Encore une fois, les Ford étaient les plus rapides, mais les pilotes ont oublié que ouais. Le Mans, c'était pas une course de vitesse, mais une course d'endurance. Vous parliez du vieil adage tantôt de la course automobile. On dit « to finish first, first you have to finish ». Exactement. Et puis 66, le début de 66, ça va être un petit peu la répétition de 65, c'est-à-dire que la Floride, qui est toujours une étape importante, ouais. Ça se passe très bien. La Floride, c'est le début de la saison. Ouais. Alors, en Floride, au mois de février, on a les 24 heures de Daytona. Au mois de mars, on a les 12 heures de Sebring. Ce sont les trois épreuves phares des courses d'endurance avec les 24 heures du Mans. Pour faire ça simple, à Daytona et à Sebring, encore une fois, c'est Ford qui gagne et c'est Ken Miles à chaque fois qui est un des pilotes. Donc, quand on arrive aux 24 heures du Mans, en 1966, Ken Miles pourrait devenir aussi ouais. Le premier pilote à remporter ce qui est l'équivalent là, de la triple couronne pour les courses d'endurance. Et à ce moment-là, évidemment, on revient à l'extrait qu'on entendait au tout début de Carroll Shelby, quelques jours avant les 24 heures du Mans de 1966. Ils sont confiants, mais c'est pas fait. Mais on a une petite gêne à dire « on va battre Ferrari », mais ce qu'il disait Carroll Shelby, c'est « on va être dur à battre ». Et voici ce qui arrive en 1966. La pluie enfin a cessé lorsque le drapeau à damier indique aux concurrents que la 24e heure est révolue. M. Henry Ford a demandé aux trois pilotes de faire une arrivée groupée, c'est-à-dire que Miles et Yule numéro 1 ont attendu Hamon et McLaren numéro 2. 2-1-5, ce sera le tiercé Ford gagnant à l'arrivée. Excellente performance d'ensemble des Alpine Renault qui auront consommé moins de 15 litres au 100 à 172 de moyenne. Deux Néo-Zélandais, Bruce McLaren et Chris Amon, remportent donc l'épreuve à la distance, battant de quelques mètres Miles et Yulm. 4843 km, 202 de moyenne, M. Henry Ford ne s'était pas trompé d'année en venant présider les 24 heures du Mans. Extrait du film officiel réalisé, tourné par l'organisation des 24 heures du Mans, l'édition 1966 des 24 heures du Mans. Donc, ce fameux miracle qu'espérait Henry Ford II depuis quelques années, Philippe Lagu, se produit finalement le 19 juin 1966. Comment Ford réussit-elle à battre Ferrari ce jour-là? Bon, d'abord, Henry Ford II a lui-même beaucoup de pression. Il y a de la pression de sa haute direction, de la pression de ses actionnaires, du conseil d'administration. administration. C'est un programme dont les coûts ont été faramineux jusqu'à maintenant. On parle de 500 millions de dollars à l'époque. Alors, Ford, évidemment, veut un retour sur son investissement et il annonce la couleur parce qu'avant la course, Henry Ford II va distribuer des petites cartes là, qui sont identiques à des cartes d'affaires à toute l'équipe. Et sur la carte, on peut lire juste une petite phrase. C'est écrit « You better win ». C'est clair. Le message est clair. Vous êtes mieux de gagner. Sauf que Ford a pris les moyens pour gagner aussi. Ils sont arrivés avec une armada de 8 véhicules engagés par 3 écuries différentes. Alors, on crée une lutte à l'interne aussi. Et Carroll Shelby va dire plus tard que c'était une bonne stratégie. Il dit « ça nous a de toute façon rendu meilleurs ». D'être en compétition avec le même modèle dans d'autres écuries, ça nous donne encore plus le goût de gagner. Comment ça va se passer sur le circuit? Comment ils vont réussir cet exploit-là? Ben, dire que Ford domine la course, c'est vraiment un euphémisme parce que les voitures américaines vont mener 23 des 24 heures. L'écurie gagnante, l'équipage gagnant, Bruce McLaren, Chris Amon, 6 heures. Ken Miles, Denis Hulme, 11 heures. En fait, il y a une Ferrari qui a mené pendant une petite heure. L'humiliation totale pour Ferrari. Totale. Ouais. D'ailleurs, le matin, à la mi-course, il y a seulement 5 voitures qui peuvent encore gagner, 3 Ford et 2 Ferrari, mais une après l'autre, les 2 Ferrari vont abandonner. Et c'est là qu'Henry Ford II va avoir une idée. Il va dire, ben, ça serait une bonne idée que les 3 voitures franchissent la ligne d'arrivée une à côté de l'autre. Ça ferait une super photo. Ouais. On ferait la une de tous les journaux de la planète. Et sur le plan marketing, ce serait vraiment un message très fort. Le problème, c'est que c'est une fausse bonne idée parce qu'elle va coûter la victoire à Ken Miles, ouais, qui est celui qui a mené le plus longtemps la course. Le règlement stipule qu'on ne peut pas avoir 3 voitures qui finissent ex aequo aux 24 heures du Mans. Il faut en déclarer une vainqueur. Et celle qui va être déclarée vainqueur, c'est celle qui a parcouru le plus de distance. Alors, on va déclarer celle de Bruce McLaren et Chris Amon vainqueurs parce qu'ils sont partis 8 mètres plus loin que la Ford de Ken Miles et Denny Hulme. Et ça, pour Ken Miles, c'est non seulement un vol, mais c'est même une trahison. Et c'est la fin de cette rivalité Ford-Ferrari qui aura donc été remportée par Ford. Ferrari va carrément se retirer de ce genre de course quelques années plus tard. Bien, en fait, Ford va enfoncer le clou dans le cercueil encore plus l'année suivante en gagnant de nouveau en 1967. Pour Ford, d'ailleurs, c'est la victoire la plus importante parce que c'est la seule victoire 100% américaine. La voiture, le moteur et les 2 pilotes sont américains, c'est Dan Gurney et A.G. Foyt. Gurney qui va aussi marquer l'histoire en devenant le premier pilote à asperger de champagne les gens sur le podium. Alors, c'est lui qui est l'instigateur de ce qui va devenir à la fois un rituel et une tradition. Ford a prouvé son point. Il décide de mettre fin au programme de la GT40. Mais la voiture, elle est encore bonne. Oui. Il y a des écuries privées qui vont l'acheter et ils vont encore gagner les 24 heures du Mans en 1968 et en 1969. Philippe Lagut, chroniqueur automobile, animateur du site philippelagut.com, entre autres. Merci beaucoup de votre participation à l'émission. Ça a été un réel plaisir. Merci, Philippe. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.